Simone, la vie, t'as la bonne. Y'a pas de marchand de désespoir, rue de la tombe, histoire. Pleure pas, Paulette, la vie c'est la fête. Y'a pas de marchand de désespoir, rue de la tombe, histoire. Pleure pas, Geneviève, la vie c'est le rêve. Y'a pas de marchand d'idées noires, rue de la tombe, histoire. Pleure pas, Josiane, y'aura pas de drame, ni de chagrin, ni de cafard, rue de la tombe, histoire. Vous n'avez jamais quitté le quartier. Mais y'a des fois où je me demande si c'est la peine de prendre le train, de suivre son chemin, de quitter l'enfance et ses voisins. Je pleure pas, Simone, la vie m'a à la bonne. Y'a pas de marchand de désespoir, rue de la tombe, histoire. Je pleure pas, Paulette, la vie c'est la fête. Y'a pas de marchand de désespoir, rue de la tombe, histoire. Nous on n'a jamais quitté le quartier. Mais y'a des fois où on se demande si ça vaut de prendre le métro, l'avion, le bateau, quitter des souvenirs tout chauds. Pleure pas, Paulette, la vie c'est la fête. Y'a pas de marchand de désespoir, rue de la tombe, histoire.